cœur en grève, batterie relève. J'rêve d'amour d'une trêve. On se crève, faut le goût, on se relève. J'rêve d'amour d'une trêve. Cœur en grève, batterie relève. J'rêve d'amour d'une trêve. On se crève, faut le goût, on se relève. J'rêve de ne plus voir ses enfants mourir. Et je rêve de n'avoir plus rien à vous dire. Mais le mal empire, nous sommes dans l'empire du mal et le bien finit peu à peu par s'enfuir. Je rêve car la paix n'est pas près de naître. Je continuerai rapper pour que tous puissent la connaître. Soyons honnêtes, on nous cache la vérité. La télé rembête et voilà la réalité. Je rêve car ce que je vois est un triste cauchemar. Un grand n'importe quoi, j'en ai trop marre. Des politiques égoïstes qui comme d'hab blablatent. C'est pas moi l'artiste qui pourra faire des miracles. Non, c'est pas moi. Ceux qui ont du pouvoir le gardent pour eux, pour leurs intérêts et non ensemble. De façon, je crois que je rêve d'amour d'une trêve. Cœur en grève, batterie relève. Je rêve d'amour d'une trêve. On se crève, faut qu'on se relève. Je rêve d'amour d'une trêve. Cœur en grève, batterie relève. Je rêve d'amour d'une trêve. On se crève, faut qu'on se relève. Je rêve de m'évader, ce monde me fait bader. À des moments, je me demande où ça va aller. Y'a eu le Big Bang, pourquoi pas l'inverse. Rien ne s'arrange, mais un espoir me traverse. Je rêve qu'un jour on soulève, que l'unité s'élève et l'âme rêve se réveille. J'éveille un train de conscience pour que tu te réveilles. Mais je crois que c'est pas demain la veille. C'est plus je voudrais, mais plutôt je veux. En fait, je souhaiterais juste un peu plus d'heureux. Des avenirs radieux et des yeux amoureux. Peu de courageux et bien trop heureux. Je rêve de choses simples, pas de trucs de luxe. Pourquoi pas tous le salaire d'un mec du luxe? Ouais, mais même le Tour de France perd les pédales. Tous dopés et moi qui rêve encore d'idéal. Je rêve d'amour d'une trêve. Cœur en grève, batterie relève. Je rêve d'amour d'une trêve. On se crève, faut qu'on se relève. Je rêve d'amour d'une trêve. Cœur en grève, batterie relève. Je rêve d'amour d'une trêve. On se crève, faut qu'on se relève. Je rêve que mon pays revoit son passé. Ma France atteint d'Alzheimer, essaye d'oublier. Elle se fait vieille, son pain vient rassis. Si je te dis ça, c'est parce qu'il y a toujours trop de racistes. Je rêve de mixité, qu'elle puisse vraiment exister. Et pas seulement dans les publicités. Mais tu sais, j'aime pas rêver car pire il réveille. Les rêves nous servent des sports dès qu'on se lève. Je rêve que ça arrête les livres des rappeurs. Car c'est l'heure de passer un mess aux frères et sœurs. Donc de ma plume à ma feuille, puis à mes lèvres. Et par cette chanson, je te dévoile mes rêves. J'rêve d'amour d'une trêve. Cœur en grève, batterie relève. J'rêve d'amour d'une trêve. On se crève, faut qu'on se relève. J'rêve d'amour d'une trêve. Cœur en grève, batterie relève. J'rêve d'amour d'une trêve. On se crève, faut qu'on se relève. J'rêve d'amour d'une trêve. Cœur en grève, batterie relève. J'rêve d'amour d'une trêve. On se crève, faut qu'on se relève. Qu'on se relève.